que j'étais matelot, quand je voguais sur les flots, un peu dans tous les pays, quand l'amour m'a souri, l'aventure a suivi. À mama, à dada, à gaga, à skaskar, ce fut à Madagascar, par hasard, qu'une belle aux dents d'ivoire, un soir m'a donné le noir. Au mimi, au sissi, au sissi, au pipi, ce fut au Mississippi, mes amis, qu'une belle enfant m'a mis dans tous mes États-Unis. J'ai perdu ma petite fleur en Floride, j'ai souvent fait la bombe à Pompée, mais après, au bébé, au néné, au zouézoué, au lala, ce fut au Venezuela, oh là là, qu'une belle soupira, Vene Venezuela. Oh, que c'est drôle ça. Quand j'aurai des cheveux blancs, s'il m'en reste encore autant, à tous mes petits-enfants, je dirai, évoquant mon passé si troublant, à moi, à là, Madagascar, ce fut à Madagascar, par hasard, qu'une belle aux dents d'ivoire, un soir m'a donné le noir. À Pompon, à Didi, à Chéché, à Riri, ce fut à Pondichéry, mes amis, qu'une superbe houerie, sur un pont m'a dit chérie. Au Cap-Vert, j'ai passé des nuits blanches, au Congo, j'ai dansé la conga, mais voilà. Au Guagua, au Tété, au Mama, au Lala, ce fut au Guatemala, au Lala, une belle soupira, gâtez-moi, gâtez-moi là.